Normalement, on va peut-être. Sinon, j'ai la voix qui porte normalement. Bien, bonjour à tous. Je me présente un petit peu, Jean-Yves Henry. Donc, je suis chercheur à l'inventaire général de Aix-Lorraine, donc aujourd'hui Grand Est, donc site de Nancy. Et je vais essayer de vous présenter un peu l'histoire de ces hauts fers, voir ce que c'est exactement qu'un haut fer, à partir de quel moment on peut appliquer ce terme. Et puis, bon, c'est intitulé « Et la Syrie demanderait » parce que je suis donc à titre privé aussi président de l'association de sauvegarde de cette Syrie. Mais on n'en parlera pas plus que d'autres. Juste enfin, je vous montrerai quelques photos. Voilà, donc on commence par une représentation un peu idyllique, enfin, et à la fois du milieu un peu miséreux de ce que peut être le sagar dans sa Syrie vosgienne. Le sagar, c'est le scieur. Et puis, donc, on va s'intéresser tout d'abord à la vie et à la gestion de ces Syries vosgiennes. Bah, les origines de ces Syries, qui sont dites à cadre, le terme générique de ces Syries. Et puis, bon, le rapport entre sa diffusion en Europe et puis dans les Vosges. Et puis la révolution industrielle qui va donc modifier toutes ces scieries. Et puis voir un petit peu pour terminer ce qu'il en reste. Et ce que vous pouvez découvrir au gré des promenades. Donc voilà, j'introduis ici par une image du sagar au travail dans sa scierie. Donc il est en train de charger une grume sur le chariot. Ici, il y a un petit repérage de. Ben, c'est l'inventaire qui a été fait dans la montagne vosgienne. Donc, vous voyez un peu le territoire dont je m'occupe. Complètement au nord, donc le secteur de Raon-l'Étape, et complètement au sud, donc le Tillou. Sur ce territoire, on a pu repérer 109 sites de Syrie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site de Syrie? Ben, ça va de la ruine, où il reste deux pans de mur et un petit aménagement hydraulique des traces, ou à la scierie complète qui est conservée avec ces machines. Alors, pour illustrer un peu mon propos, j'ai fait un zoom, si on revient à la diapo précédente. On est situé dans ce petit secteur, si je sais comment ça marche, voilà, dans ce petit secteur ici, Brouvelieure, canton de Brouvelieure, et on va faire un zoom pour voir un peu ce qui s'y passe. Vous voyez ici tout ce qui est repéré à la fois en croix et en carré et en cercle, ce sont des scieries. Alors scieries à la fois sous forme de vestiges, toutes les croix. Et on voit qu'il y en a eu à peu près en moyenne, on fait une scierie tous les 500 mètres. Alors pourquoi tant de scieries à cet endroit? Alors deux raisons, la forêt et l'eau. C'est les deux règles fondamentales pour construire une scierie. On va voir un peu comment ça fonctionnait incessamment. Donc, il faut réunir ces deux éléments et puis avoir une volonté politique d'exploiter la forêt. Alors, je détaille un petit peu ces sites. Donc, une quinzaine de sites. Des premières dates, premier recensement des Syries, c'est 1602. C'est pour ça que ça commence à ce moment-là. Et puis, un fonctionnement tardif pour les dernières dans les années 70. Mais ce ne sont déjà plus ceux qui continuent à fonctionner à ce moment-là, ce ne sont plus à proprement parler des hauts fers. Et en 1602, ce n'était pas non plus les hauts fers. Donc vous avez quelques photos ici pour illustrer l'état de ce qu'on peut trouver sur place. Donc si on remonte un petit peu dans le temps, cette région, je l'ai choisie aussi parce qu'elle était assez bien documentée. On a des cartes assez précises et vous voyez donc. Ici, bon, naturellement, la carte est orientée avec le sud en haut. Et je vous ai mis une échelle de distance d'un kilomètre. Et puis, je vous ai fait un petit zoom sur un endroit. Donc, on voit déjà, donc, en 1750, deux scieries qui voisinent à 50 mètres l'une de l'autre. Là, Alors, comment elles fonctionnaient, ces scieries? Ben, en fait, elles fonctionnaient avec ce qu'on appelle une marche, c'est-à-dire un territoire, un canton forestier qui lui était attribué. On est dans des scieries domaniales, enfin, ou des scieries sous la tutelle du chapitre de Remiremont, ici. Et donc, à chaque scierie, on a attribué un canton de forêt. Et donc, c'est comme ça qu'on assure le fonctionnement de la scierie. Une fois que la coupe de bois prévue pour l'année est achevée, on arrête le fonctionnement de la scierie. Alors, quelques documents, hein, ils sont assez rares, ces documents. Ici, à gauche, vous en avez un qui date de 1602, le chapitre de Remiremont qui donne l'autorisation de construire trois scieries. Donc, c'est les trois où on avait la date de départ à 1602. Et puis, une adjudication aux enchères de 8 scieries à la fois, hein, bon, mais qui sont adjugées en même temps, mais séparément. Et on les adjuge en attribuant donc une certaine quantité de bois à scier. Hein, la scierie Hardy et les Céodis Simon avec 200 tronces et 25 pannes de consommation annuelle pour un canon, donc une location annuelle hein, de 2600 livres. Voilà des documents donc, qui datent pour le second de 1755. Bien sûr, il y a la Révolution. À ce moment-là, on fait un petit inventaire des forêts, donc qui est assez précis. Hein. En 1798, on en recense en gros 250 sur le territoire. Et puis, au lendemain de la Révolution, beaucoup de scieries donc, qui appartenaient au chapitre de Remiremont passent donc, en biens domaniaux et, à ce moment-là, peuvent être mises en vente, hein, comme tous les biens nationaux. Et donc, beaucoup de ces scieries vont devenir privées à ce moment-là. Et puis, on va faire un constat au niveau de l'industrie. On a une surpopulation de ces scieries. Et donc, par décret, on va donc en supprimer un certain nombre. C'est ainsi que pour les Vosges, il y en a 68 qui seront supprimées. Et les propriétaires seront tenus de démonter les fers, les rouages d'eau et les chariots. Donc on continue l'évolution dans le temps, on arrive au 19e et au 20e siècle. Comment elles sont gérées? On a toujours cette dualité entre scieries domaniales. En général, les scieries domaniales, elles sont encore situées en bordure de forêt, sur un territoire forestier, hein, tandis que les scieries privées, elles, sont déjà plus proches des voies de communication. Alors, je vous mets quelques plans et quelques photos de ce qu'on a à l'époque. On a un bâtiment qui est essentiellement construit en bois, surtout dans la partie dite industrielle, et dans laquelle, à l'intérieur, souvent, on trouve le logement du sagar. Où on peut se trouver dans des configurations comme ici, en dessous, où, alors, je suis pas sur le bon, voilà, où on a l'halle de sciage ici, et puis ici, le logement du sagar. Mais il est toujours logé sur place. Pourquoi? Parce qu'il doit veiller au bon fonctionnement de sa scierie, bien sûr, mais aussi à tout ce qui est alimentation hydraulique en périphérie. Éviter prendre les mesures, ouvrir les vannes quand il y a des crues, etc. Et puis, vous voyez ici un plan de transformation de scierie. Donc, on a l'agrandissement de la halle, hein, parce qu'on va y mettre deux scies. Et puis le logement du sagar qui, du coup, se retrouve ici placé à l'arrière. Bon, je parlais d'aménagement hydraulique. Hein. Au cours du 19e siècle, principalement, on va être amené à aménager très sérieusement tous les cours d'eau. Alors, pourquoi? On y voit trois raisons. Hein. Trois raisons qui sont pas forcément complémentaires, parfois antinomiques. Hein. Le flottage. Donc, on a des trains de bois qui vont donc parcourir les ruisseaux, hein, parfois, pour aller rejoindre souvent, pour les Vosges, le port de regroupement, c'est Raon-l'Étape, mais on est sur des affluents, et donc on les aménage ici pour pouvoir transférer ces flottes de bois. Donc on voit ces aménagements ici, on est en amont de la rivière, on va créer un barrage à ce niveau-ci, un plan incliné, et puis la rivière en contrebas. Donc on va retenir les eaux ici pour avoir suffisamment de hauteur dans le ruisseau pour faire flotter le bois. Une fois qu'on a atteint ce niveau, on va ouvrir la vanne et le flotteur va passer avec son train de bois. Alors souvent, c'est du flottage à bûche perdue. Bon, là, c'est déjà des tronces. Hein, jusqu'à Raon-l'Étape. Et à partir de Raon-l'Étape, on va flotter surtout des planches. Mais le flottage, c'est pas le sujet de la... Si vous voulez, il y a un stand qui vous montre ça dans l'ancienne chapelle. On voit aussi d'autres aménagements, donc je disais le flottage, l'irrigation ici, hein, des petits canaux qui vont prendre leur eau donc, dans les ruisseaux et la diffuser dans les champs hein, avec tout un tas de ce qu'on appelle des rouailles hein, pour à la fois drainer et aussi alimenter en eau les prés. Et puis on a des très vastes projets, ici c'est sur la plaine, on a un projet de rectification de la plaine, hein. Vous voyez les ingénieurs des eaux et forêts qui avaient imaginé ce tracé en rouge hein, que vous devinez, pas très net, ici, qui devait rectifier toute cette rivière de la plaine. Bon, bien sûr, et heureusement, le projet a avorté parce que vous voyez qu'un peu partout, il y a des édifices qui sont des scieries et qui auraient été privés d'eau à ce moment-là. Il subsiste encore des édifices quand même importants. Ici, c'est un exemple d'usine ancien tissage, mais aujourd'hui usine hydraulique, hein, donc qui est toujours en fonctionnement, sur la Meurthe, hein, en aval de Raon-l'Étape. Alors bon, on a parlé beaucoup de scierie, mais on n'a pas encore défini ce que c'était qu'une scie en haut fer, d'une part, et d'autre part, une scie à cadre. Bon, deux petits mots hein, sur l'utilisation de la force hydraulique. Hein, on peut remonter très, très loin dans le temps. Hein. Bon, déjà, avant notre ère, un siècle avant notre ère, on connaissait le moulin à farine tel qu'il va encore subsister au début du XXe siècle, hein, dans, un peu partout en France. Bon, quelques grandes exploitations de cette force hydraulique. Hein, on a tout ce qui est Moyen-Âge ici, avec tout ce qu'il y a autour des mines, hein, les pilons, les bocards, on en a de très importantes représentations hein, dans le livre d'Heinrich Gross, hein, en 1530, on a des très belles représentations de ce que pouvait être l'exploitation minière avec l'utilisation de la force hydraulique à ce moment-là. On a une permanence, disons, du début de notre ère jusqu'à 1850, le milieu du 19e siècle, c'est la rupture totale, c'est l'arrivée de l'industrie métallurgique dans les Vosges et partout en France, elle se développe, elle s'installe, on a des fonderies à disposition et ça va révolutionner toute cette industrie donc des scieries. Bon, deux petits mots sur les roues hydrauliques, hein, on a des roues par le dessous, des roues de poitrine, des roues par le dessus, des roues horizontales, alors ça c'est en dessous de la Loire, on n'en trouvera pas au-dessus de la Loire. Et puis, on a les roues vénitiennes, dont on verra un exemple d'utilisation. Elles sont très petites et elles utilisent une chute d'eau canalisée en plan incliné. Alors, l'origine de la scie à cadre, ben, c'est le sciage de long qui est mécanisé. Hein. On voit bien sur cette diapo ici la lame de la scie au centre. Et puis, un cadre qui va servir à la manœuvrer. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est mécaniser ce système, on n'a plus besoin de deux personnes, on retrouve ce cadre ici, hein, avec la lame tendue au milieu. Alors vous voyez, ça c'est une photo qui vient de Suisse. Ici, on va revenir aux premières représentations de ces scies à cadre. Hein. On en a une première en 1230 par Villard de Honnecourt. Alors ce schéma est très difficile à lire, mais on a tous les ingrédients. Une roue hydraulique ici, avec l'eau qui coule là, la lame de la scie au centre, la planche à scier, enfin la poutre à scier ici, qui est sur un chariot, qui est guidé et qui est entraîné par cette roue dentée. Bon, il y a des petits problèmes de perspective. Hein. Et sur ce même arbre ici, on a des ergots qui vont venir faire appuyer sur ce système triangulé ici, faire descendre la lame, qui remonte grâce à la perche élastique qui est là. Donc on a tous les ingrédients, on va les retrouver, là on va retrouver ce qu'on appelle un haut fer, dessiné donc à 1480 par Léonard de Vinci. On a la lame tendue dans son cadre, si j'arrive à appuyer, voilà, ici. On a un embiellage, ça c'est ce qui caractérise le haut fer. On a la roue hydraulique qui est ici. On a un système d'avance du chariot à rochet, hein, ici, avec une griffe qui repose dessus. Donc tous les ingrédients sont dessinés en 1480, mais il va falloir attendre d'avoir l'industrie métallurgique nécessaire pour pouvoir les réaliser. Quand on passe de la scie artisanale au fer, il y a toute une précision qui est nécessaire. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le haut fer? Ben, avant le haut fer, les textes nous parlent de scie à bloc, de scie à cam et de scie à plomb. Alors, on voit dans le dernier exemple qui est conservé, donc ici à l'écomusée de Gutha en Allemagne, cet arbre solidaire de la roue avec ici les cames. Ces cames, elles vont toucher le bas du cadre du haut fer et le projeter en l'air. Et il va retomber de son propre poids pour scier. Donc voilà les différentes représentations hein, qu'on en a. Bon, je ne vais pas vous lire tous les textes, hein, simplement une petite citation. Ce genre de scierie est le plus grossier et le plus répandu. Presque toutes les scieries domaniales, au moins dans les Vosges, sont ainsi construites. Voilà, c'est ce qu'on écrit en 1857. Alors qu'en est-il en Europe? Est-ce que c'est un phénomène purement vosgien? Ou est-ce qu'on a partout la même chose? Donc ici, vous êtes déjà en Italie. Hein. Là, je vous ai pris quelques petits exemples. Bon, assez proche d'ici, Eschvillers, où on trouve une scie à câble, bon, qui est réinstallée dans un musée. On a la Haute-Saône, hein, donc en dessous des Vosges, où on a encore à peu près ce même type de principe. On a la Belgique, on a l'Allemagne, on a l'Italie, et puis la Suisse. Donc vous voyez qu'on est presque en compte. Au complet, on va voir que ça serait parti dans une zone qu'on pourrait appeler l'arc alpin, ici, avec quand même une limite, avec un type au nord et un type au sud. Et puis, ici, à l'extrémité, on a les hauts fers vosgiens, enfin, les scieries vosgiennes. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Ici, bon, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même chariot. On a un chariot qui est simplement une structure, la lame qui passe au travers, une fixation ici en extrémité, qui n'est pas des plus aisées, une pièce mobile ici, un entraînement à crémaillère, et ici, ce type de haut fer ne permet pas de scier toute la longueur de la pièce de bois. On est obligé de laisser 10 cm, puisque si vous voulez scier jusqu'au bout, on scierait le montant qui est là. Ensuite, on a les scieries vénitiennes, hein, ici, donc avec le type de roue à palette que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec le plan incliné ici. Et on a un dosseret pour appuyer ici la pièce de bois pour le sillage. Et puis là, on passe aux fers vosgiens qui sont caractérisés ici par un système monté sur roue, entraîné par friction et non pas par engrenage, hein, une crémaillère. Donc ce qui fait une spécialité pour ces scieries. Encore un petit texte pour resituer un peu le contexte. On est au lendemain de la Révolution. Et puis, on nous dit, bah, le commerce des planches de sapin des Vosges paraît devoir fixer l'attention du gouvernement. Hein, c'est suite à une inspection ambulante des manufactures dans les provinces des trois évêchés. Hein. Et donc, l'on apprendra avec admiration comment les habitants de ces montagnes savent aménager les plus petites chutes d'eau pour faire mouvoir une scierie à eau et comment ils profitent de ce même volume d'eau pour utiliser 30 à 40 moulins placés dans le même courant. Bon, je vous dispense du reste. Hein, on va terminer avec... On compte 382 scieries tant en Lorraine que dans les Vosges. Ces scieries mécaniques m'ont paru bien imaginées, d'une facile et simple exécution. On pourrait peut-être les imiter dans certaines portions de la France. Donc, il y a quand même bien une petite spécificité de nos scieries vosgiennes. Alors, on continue dans le temps. On avance un peu dans l'histoire. On arrive à ce qu'on appelle l'application de la révolution industrielle, donc au milieu du 19e siècle, et on va voir se développer tout un tas de mécanismes, entre autres bah, l'embiellage qui apparaît pour la première fois sur un plan de scierie en 1860. C'est une scierie domaniale hein, sur la commune de La Haussière, Marmont-Fosse, et on distingue bien l'embiellage. Bon, ici la qualité de la projection n'est pas terrible, mais ici on a bien un embiellage. Hein. On va retrouver ici à l'extrémité. Donc on n'est plus dans la scie à bloc, on est passé dans le haut fer. Hein, c'est ça qui situe la limite. Dans tous les documents d'archives, on ne parle que de scie à bloc ou à plomb avant 1850, et dès qu'on a introduit l'embiellage, on parle de haut fer. Alors, bien sûr, ce haut fer, c'est une image un peu mythique, hein, parce que il apparaît en 1850 à peu près. Hein. Enfin, disons, laissons-lui toute la deuxième moitié du 19e siècle pour apparaître. Et puis, dès qu'il apparaît, bah, il va se moderniser, il va se voir adjoindre d'autres scies. Hein. On voit ici, en particulier au centre, sur la photo, un rouleau dédoubleur. Alors, autant le haut fer, c'est une construction entièrement en bois, avec quelques éléments métalliques pour assurer le guidage, et puis la lame. Déjà, ici, on voit qu'on a encore conservé un cadre en bois, mais qu'on a déjà tout un tas de systèmes métalliques. On a un châssis métallique, un petit châssis métallique. Et là, donc, ce rouleau dédoubleur, il est là pour débiter en planche une grume qui est déjà équarrie. On l'entraîne par des rouleaux situés de chaque côté et on va le refendre. Vous avez ici cette machine qui est déjà industrielle. Là, on est dans un châssis complètement en fonte. C'est un élément industriel. Et là, on a 10 lames l'une à côté de l'autre qui vont scier encore uniquement en descendant. On est toujours sur le principe du haut fer. On scie uniquement en descendant. Pendant que la lame remonte, on fait avancer le chariot. Hein, ça, c'est, on est toujours dans ce principe immuable, simplement, on l'a décuplé. Et puis, vont apparaître d'autres types de scie. Alors, là, on est encore dans ce même principe, mais on a doté la lame qui est ici. Vous voyez qu'elle est placée à côté du chariot. La grume va être en porte-à-faux sur le chariot, mais on l'a dotée de lame dedans, dans les deux sens. Donc, elle va scier en montant et en descendant, et on appelle ça une scie de côté. Bon, bien sûr, il y a les délineuses, hein, l'apparition de la scie circulaire. On a des systèmes beaucoup plus industriels déjà, hein, c'est des machines commercialisées. On terminera par la scie à ruban, qu'on n'a pas réussi encore à détrôner aujourd'hui, hein, puisque c'est elle qui est présente dans toutes les scieries industrielles aujourd'hui. Et puis, on passera par quelque chose qui est un peu anecdotique. C'est un haut fer, mais mis à l'horizontale. Hein. La lame est ici, horizontale. On a bien ce mouvement alternatif ici. Alors, son intérêt, c'est de débiter des planches très fines et elles vont rester en appui sur la grume, hein, sur la face sciée. Donc, elles ne vont pas avoir tendance à se déchirer comme quand elles sont verticales sur le haut fer. Donc, le découpage de lames de bois minces. On a parlé des scieries. Maintenant, il faut revenir un peu à leur alimentation, leur motorisation. Dès 1850, on va commencer à fabriquer les premières turbines. Cette première génération de turbines, ce sont ce qu'on appelle des turbines ouvertes. On canalise l'eau à son entrée et elle est libre à la sortie. Donc, ici, vous avez la turbine du lançoir. Vous voyez la canalisation d'amener. Ici, l'ouverture de la canalisation d'amener et l'eau qui va passer au travers de ces trous et qui va la faire tourner. Autre type de turbines qui sont restées quasiment des modèles aujourd'hui en quasiment inconnus. Celle-là, il me semble qu'elle est fabriquée à Roto, dans une entreprise qui a disparu avec toutes ses archives. Hein. Donc on a encore l'alimentation qui se fait là, un disque de distribution déjà, et puis la roue percée d'aube ici. Autre exemple de turbine dont on ne connaît plus l'histoire. Ici, une turbine axiale qui est encore en fonction à Jean Ménil, et dont l'eau va traverser cette fois la partie tournante, c'est ça. Deuxième génération de turbines, toujours on est dans de la fabrication strictement locale, hein, avec des fonderies donc à Saint-Dié, à Épinal, à Armiremont, et puis un peu à Raon-l'Étape. Et puis on va avoir cette fameuse turbine Negri qui s'est diffusée, qui s'est vendue comme des petits pains. À une période donnée, qui a eu un brevet international parce qu'elle était extrêmement simple. Vous voyez, elle est située à l'intérieur de la conduite, coudée ici, arrivée ici, sortie ici. Donc maintenant, on canalise la sortie de l'eau parce que le fait de la laisser s'échapper à l'air libre, c'est perdre une partie de sa puissance. Et puis ici, bah, vous avez tout un tas de turbines qui sont fabriquées exclusivement pour l'ensemble dans les Vosges. Voilà, donc ça c'était l'énergie hydraulique. En parallèle, l'énergie hydraulique c'est bien, mais c'est soumis à quelques aléas, au gel en hiver et à l'étiage en été. Donc il faut prévoir au départ une deuxième source d'énergie hein, qui est utilisée en parallèle quand on n'a plus assez d'énergie hydraulique. Alors il y a tout d'abord les machines à vapeur, bon je ne vais pas y revenir en long, hein. Et puis, il y a aussi les petits moteurs diesel, ou les plus gros, ici, hein, les moteurs Ruston, donc fabriqués en Angleterre, et qui ont une part assez importante dans les scieries. Et ce sont des machines monumentales, dont aucune n'est protégée aujourd'hui, mais qui remplissent quasiment une pièce complète. Hein, ici, pour un moteur de 40 chevaux. Alors, où on en est au début du XXe siècle, dans le secteur de Remiremont. Alors, c'est pareil, je vais passer assez vite. Hein. La vapeur ne représente que 9% de l'énergie utilisée. L'électricité est déjà apparue, donc elle a une petite part aussi, mais tout le reste, c'est de l'hydraulique. Et avec encore une part importante pour les roues. L'eau fer, il représente... encore les trois quarts quasiment des scieries, hein, puisqu'il y en a très peu, il n'y en a que 22% qui n'utilisent plus de haut fer. Et puis la taille de ces scieries au début du XXe siècle, c'est pour la moitié un à deux ouvriers. En général, le sagar et son commis. Et puis un seul exemple à citer, donc une énorme scierie au syndicat, hein, donc tout près de Remiremont, avec une machine à vapeur de 120 chevaux qui employait donc 40 personnes. Voilà, donc on est quasiment au bout de ces hauts fers. Ils vont arrêter quasiment toute activité, sinon marginale, à partir des années 50-60. Hein. Et puis, le premier à s'en défaire, ça va être le domaine, hein, parce qu'ils préfèrent gérer les forêts plutôt que de gérer le sillage. Donc, toutes les scieries domaniales, petit à petit, vont être en vente. Alors, pourquoi dans les scieries domaniales, souvent, à ce moment-là, elles étaient encore louées. Hein, donc, on ne s'occupait plus vraiment de l'entretien. Le matériel devenait obsolescent. On est, dans les scieries domaniales, en bordure de forêt, donc on est éloigné des axes routiers et ferrés. Plus l'entretien... Des incendies, des inondations, hein, parce que si vous n'entretenez pas les vannes ou les bâtiments, c'est des risques que vous prenez. Des rectifications d'axes routiers, donc du coup, la scierie se trouve éloignée d'un axe routier. Et puis des droits d'eau, rectification de la route. Souvent, on ne se préoccupe pas trop de savoir qu'il y a des droits d'eau qui passent dessous. Hein, et donc, ça se perd petit à petit. On va terminer cette petite conférence par une présentation de quelques hauts fers. J'ai choisi ceux qui étaient ouverts à la visite en général, à cette exception près, celui-ci qui est quand même un bâtiment magnifique. J'espère qu'un jour on arrivera à l'ouvrir pour les journées du patrimoine au moins. C'est une propriété privée, donc on ne peut pas le visiter. Mais ce qui est formidable dans cette scierie, c'est qu'on va retrouver un peu toutes les technologies, les précurseurs de nos scieries industrielles. On a ici le haut fer traditionnel, un petit haut fer à côté, un rouleau dédoubleur et une déligneuse. Donc on a déjà aligné toutes ces machines parallèles les unes aux autres. Et pour produire le mouvement, on a trois générations de turbines. Hein. Bon, bien sûr qu'ils ne sont plus en état de fonctionnement. Une turbine ouverte ici de type Canson, et puis ici une turbine de type Wilman fabriquée à Roto, et puis une Negri. Bon, venons-en à ceux qui sont ouverts à la visite. Vous avez vu nos collègues de la Halière hein, qui sont présents ici sur un stand, donc qui vous présenteront leur scierie avec une maquette. Ici, celle-ci est classée monument historique. Bon, hélas, elle a été détruite par un incendie, mais elle est reconstruite à l'identique. Et vous voyez sa roue à eau. Alors, sa roue à eau, qui est une roue pas de poitrine. La circulation de l'eau, on a la retenue qui est derrière. L'eau descend là et coule par en dessous de la roue. Elle est équipée ici d'un woofer et d'un rouleau des doubleurs. Autre exemple, ici on a la houssière, donc on est sur une propriété privée hein, et une scierie qui est ouverte sur réservation avec une roue hydraulique de 4,20 m par le dessus hein, et puis un petit atelier de menuiserie. La scierie du Lensois, hein, celle qui accueille le plus de visiteurs actuellement, sa particularité, elle est inscrite monument historique parce qu'elle est dotée d'une turbine Canson. Vous la voyez en fonctionnement, tout à l'heure je vous la montrais simplement au démarrage. Vous voyez la projection d'eau tout autour. Et donc c'est l'unique turbine Canson qui soit en fonctionnement. Et puis j'ai terminé par celle de Mandray, donc celle qui représente ici. Une roue à eau ici de 3,60 m de diamètre alimentée par le dessus et par une conduite en siphon. Donc on a une retenue d'eau, une conduite souterraine en U qui va ramener l'eau dans le bac ici. C'est la seule qui soit encore actuellement en fonctionnement avec ce type de principe. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup.